passer, de patiner, de voir mes amis, de bouquiner. Pendant l'été, ne jamais me baigner. Si tu veux, je peux ne plus fumer. Mais ne me demande pas de t'oublier. Ça, je ne peux pas. Je peux te distraire et t'amuser. Je peux chanter, imiter les succès de l'été. Je peux m'envoler vers les étoiles, prédire l'avenir dans du cristal. Demande-moi des folies, des miracles. J'essaierai toujours même si ça va. Mais ne me demande pas de t'oublier. Ça, je ne peux pas. Je peux danser. Je peux te distraire et t'amuser. Je peux chanter, imiter les succès de l'été. Je peux m'en